l'intelligence qu'on a qui vient d'elle et la volonté qui vient d'elle qui nous permet, nous autres, en tant qu'hommes, de nous organiser à notre façon, comme on veut, parce qu'on est, on est devenu centrique. Je comprends mal le point de vue de la passion, parce que si t'es ton œil, il y a un vide, vain, ou l'autre alternative, c'est pleine vibration, puis tu vives. La passion se situe où, en musique? La passion, c'est toujours une qualité de la vibration qui passe par un des centres, le mental ou l'astral, et qui donne à l'individu l'impression d'être impliqué. Aussitôt que tu es impliqué dans un acte, il y a de la passion. Si tu fais l'amour à ta femme, t'es impliqué, automatiquement, il va y avoir de la passion. Si t'écris un livre, t'es impliqué dans le livre, automatiquement, il va y avoir une passion de l'esprit. La vibration, elle passe tout le temps. La vibration, nous autres, que tu sois conscient ou inconscient, la vibration, elle passe tout le temps, seulement elle est colorée par nos principes. Nos principes n'étant pas ajustés, n'ayant pas été transformés par l'énergie qui passe, automatiquement, nous autres, on a l'impression d'être impliqués. Alors, avec le temps, cette énergie-là, elle passe, elle crée des chocs vibratoires au niveau astral, au niveau mental, elle crée des chocs, puis automatiquement, ces principes-là se changent, puis éventuellement, là, tu deviens désengagé de la réflexion que l'énergie crée dans ces principes-là. L'image qu'on se fait de la vibration, c'est qu'on le rattache à l'émotion. C'est-à-dire que même quand t'es ton œil puis un grand vide, c'est une vibration pareille. Elle est toujours là. Même si t'es d'un autre, la vibration est là. L'énergie est toujours là. Tout le temps. L'énergie est toujours là. Tu mourrais si l'énergie n'est pas là. Donc, l'énergie est toujours là. Seulement quand elle passe dans nos principes, elle est colorée. C'est ça de l'inconscience. Puis elle est colorée par quoi? Par les formes qu'on a dans l'esprit ou les formes qu'on a dans le corps astral. Nos émotions. Et c'est ça qui crée la passion chez l'homme. Puis t'essayes d'expliquer ça à un homme, puis il trouve ça difficile. Parce que déjà, l'homme est passionné. Même les gens, tu lui dis, petit à petit, les gens qui te côtoient, tu lui parles un petit peu, tu enlèves un mot, tu lui dis, faut vivre au-dessus de nos émotions, faut pas avoir d'émotions. Les gens, ils disent pas d'émotions, t'es bien sauvage, les gens ne prennent pas les sauvages. Les gens ont de la misère à se concevoir. Ouais. Et dans leur optique, ils ont absolument raison. Ouais. Dans l'optique de la conscience supramentale, c'est pas que t'as plus d'émotion, c'est que ton corps émotionnel est en harmonie vibratoire avec cette énergie-là. De sorte qu'il n'y a plus de réflexion dans ton mental. Il n'y a plus de réflexion. Ce qu'on appelle l'émotion humaine, c'est une... Bon. Supposons que t'es là, tu me traites de, je sais pas, de sans-dessin. Bon. Moi, là, il peut y avoir une vibration qui se fait là. Vous savez quand vous vous faites attaquer? T'es un plein de marde. C'est une petite vibration. Bon, mais c'est ça de l'émotion. Éventuellement, quand tu deviens ben centrique, que le corps mental est bien ajusté à l'énergie, le corps émotionnel est bien ajusté à l'énergie, que tu te fais attaquer comme ça, tu ne veux pas parce que il n'y a plus de forme. C'est vécu à l'extérieur de l'intérieur. C'est là que tu vis à l'extérieur. On parle des gens riches. Quand tu es riche, tu te sens solide. Tu te sens au-dessus de tes affaires parce que tu es riche. Mais quand tu es pauvre, Là, t'es pas sûr, là. Quand t'es riche pis tu vas en cours, ça te dérange pas. Tu sais, t'es un avocat pis y'en a qui aiment ça aller en cours. Tu vas en cours pis t'es un avocat pis tu le payes pis tu gagnes tes causes. Mais quand t'es pauvre pis tu vas en cours, tu sais jamais si tu vas gagner ta cause ou non. Tu comprends? On a toujours une insécurité. Ouais, mais que t'es pauvre ou t'es riche, t'es pas mieux dans tes souliers. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je parle. Je veux dire, j'essaie d'expliquer que quand on est quelque chose, automatiquement, on vibre suivant ce quelque chose-là.

Ça a avec la passion, ça? Ça fait toute partie de la passion. C'est la passion qui est rendue main. Le corps de désir, il y a beaucoup de passion dedans. Mais quelqu'un qui... C'est bien belle, la soirée. Comment ça va? Mieux? Bon. Continue. Quelqu'un qui désire de l'harmonie autour de lui, autant dans sa vie sociale, disons, que dans la décoration de son appartement ou n'importe quoi, Est-ce que ça vient du corps de désir, ça, ou ça vient de l'énergie? Éventuellement, ça vient du corps de désir, puis éventuellement, ça vient de l'énergie. C'est l'énergie qui sensibilise ton corps astral pour que tu aies dans ta vie matérielle une certaine harmonie. Pour que tu puisses, au niveau de ton système nerveux, puis de ton corps matériel, de ton esprit, ainsi de suite, relaxer dans des formes qui te conviennent astralement. Mais il n'y a pas de passion là-dedans. C'est simplement de la créativité qui est liée à l'intelligence de l'énergie qui te fait voir des choses directement, vibratoirement. Ça devient vibratoire. Le poil, il va pas là, il va là. Tu sais ce que je veux dire? Si tu leur demandes, ils vont te l'expliquer pourquoi est-ce qu'il va là. Le petit pot de fleurs, il va pas là, il va là. Puis plus on devient sensible à l'énergie, plus on devient créatif. À tous les niveaux, même au niveau des meubles, puis au niveau des bras. Moi, depuis un mois, là, je suis quasiment du matin jusqu'au soir, je suis rendu au bout. C'est vrai que ce soir,